qu'ils sont ici, sur scène, avec vous et avec nous ce soir. À la batterie, à cette batterie-là, Cliff Hewitt. À cette autre batterie, là-bas, Paul Kodish. Et à la basse, Mr. Christopher Papendick. On continue.